En espagnol, j'ai se dit tengo. Un peu comme vous dites tango, le tango argentin. Mais avec un E au lieu de A. Ça s'écrit T-E-N-G-O. Tengo. Donc, j'ai, c'est tengo. Tengo. Encore une fois, le O final de tengo indique la première personne du singulier, le je. Donc, il n'est pas nécessaire de dire yo tengo. Yo tengo, en fait, ce serait moi j'ai. Mais tengo, tout court, c'est j'ai. Je n'ai pas, se dira donc. No tengo. Oui, sauf que on a une voyelle à la fin. Donc, on accentue la 20e syllabe. Ah oui. No tengo. No tengo. No tengo. C'est ça. Comment dit-on « je suis désolé » ? On en a déjà parlé. Hein? Littéralement, ça veut dire « je le sens ». Yo lo siento. C'est « siento ». Ah oui. Yo lo siento. Oui, mais si vous dites « yo lo siento », ça veut dire « moi, je suis désolé ». Le « yo » est une forme d'insistance. Mais pour dire tout simplement, et c'est ce que je vous ai demandé, « je suis désolé », sans insister particulièrement sur le sujet du verbe, sans insister sur la personne qui parle, on dira « lo siento ». D'accord, c'est ça, « lo siento ». On omet le pronom sujet, le « je », donc « lo siento ». Je suis désolé. Comment dit-on « j'ai » ? Tengo. Tengo. Et « je l'ai » se dira ? Lo tengo. Lo tengo, c'est ça. Alors, de la même manière qu'on dit « lo siento » pour « je le sens », « je l'ai » se dit « lo tengo ». Lo tengo, avec le au final du « je », de la première personne du singulier. Alors, comment direz-vous « je ne l'ai pas » ? No lo tengo. C'est ça, no lo tengo, je ne l'ai pas, no lo tengo.